Fin juillet 2012, sors un projet fait maison. Le truc est grave, mais c'est ma route. Et comme Gacho, j'ai mes raisons. Je m'évade des heures et des nuits d'absence. Tu sais pas, je suis de ça. Et ça, sans équivalence. J'ai besoin de médicaments. Herman ou m'a contaminé. Je me pique à la zig fumée, boisson marinée. Bastos fait le truc, Assono met le but. Tiens, les salauds, un tas de trucs, ils vont saliver. Oups, un truc s'est allumé, ah oui. Désolé, je suis mon propre ingé. Y'a des prises qu'on saturait, un sourire et un CD. Je peux pas m'arrêter, donc j'enchaîne les sons, charbonne comme un obsédé. Aucune envie d'exposition, vu que sous les projecteurs, les meilleurs ont perdu leur prise de position. J'écris des questions, des réponses et des positions. Je deviens très sombre quand l'inspire prend réquisition. C'est pas une mission ni une quête, c'est implanté dans la tête. Des cocktails insensés comme ceux inventés dans ma tête. J'y pense quasi tout mon temps. En vrai, j'en ai pas beaucoup, je mets des buts contre mon camp, en direct un bord de touche. On improvise, on kick jump comme sur un trampoline. On a du mal à se déplacer, tu sais ça c'est la ventoline. Yeah. Comme sur un trampoline, on a du mal à se déplacer. Tu sais ça, c'est la ventoline. Yo, ok. Fin juillet 2013, ça fait un an qu'on s'est pas vu. Tu te rappelles du premier son où tu m'as entendu. Tu vois, je pose tout le temps des questions, explications. Je sais pas, mais je trouve mes raisons quand je fais le son, le truc à fond. J'ai écrit, posé, nuit blanche, rancune, solitaire, névrosée. J'ai taffé, mixé. Et je t'avoue que ça m'a niflé. Et y'a toujours Diego à la création visuelle. Je taffe qu'avec des potos, pas de relation virtuelle. Je fais pas ça pour que tu me kiffes ou que tu m'idolâtres. Je me confie que dans la zik, ne me traite pas de mythomane. À côté, une grosse équipe s'est montée. On est venu activer le mouvement du coin. Tout doucement, on arrive soigné comme le roulement du joint. Attends l'étouffement, j'ai 22 ans. Je pense que 8 ans de rap ont changé. Je comprends rien à la cyclamie. On est étranger, dérangé. J'aime le faire et je crois l'être. Peut-être depuis l'ancienne époque, des équipes à trois lettres. Bête, car socialement c'est le néant. Fumeur, buveur, rappeur, fainéant. Donc j'ai laissé parler l'instinct. J'ai chargé sur l'instant. Donc tu veux quoi maintenant? Des réponses, une conclusion, plus d'explications. Hein? Ben va demander ton chemin à ton destin. Ben va demander ton chemin à ton destin. Raka, Red, Scary, Kelevra, Diego. Tirer des traits au marqueur, pas avec le nez. Évite de faire le dormeur si la chance vient te lever. T'as les yeux grands ouverts mais bizarre, tu vois rien de vrai. C'est difficile de manœuvrer si tes gaines c'est bien œuvré. J'suis comme toi, plein de questions, pas de réponse. Ah c'est con, ça se défonce. C'est comme ça que c'est bon, on m'a dit pas réponse. Ok mais comment? Attends une rime, viens merde, j'ai pas entendu la réponse. Puis l'homme repartit dans mes profondeurs. Un truc qui pue, je crois que ça moisit au fond de mon cœur. Entre la voix que t'entends et celle que je prends, je crois bien que l'une d'entre elles a besoin d'un vocodeur. Vas-y, fais comme eux, marche dans les traces de pas. Tête baissée, enchaînée par des cadenas. Tu te laisses dresser, besoin de somnifères en attendant des jolis rêves et des billets sous le matelas. Allez vas-y, ça part de là, prends ta chance. Fais quand même attention, ici l'erreur ne pardonne pas. Je suis un pur vivant, on aime les buts qui se campent. On attend le jour suivant, je vis méfiant. Figurant de mes déviances, hésitant, je mets des nuances. Je pense me rendre à l'évidence en attendant la délivrance. Je m'en avoir plus loin, ce qui m'obsède devine. Dur de quitter le coin ou changer le modèle de vie. Le cœur bat, la tête bouge, mais je crois que je perds le rythme. Et quand j'observe, le réel devient supercherie. Chérie, un crapaud devient paroi. On a manqué de tuteurs pour ça qu'on ne se tient pas droit. Je crois en rien de bien, je vois rien de bon. Mais t'inquiète, c'est pas demain qu'on jettera l'éponge. Par contre, tête qu'on pète. T'auras les plans et entre frères en temps de guerre, on coupera les ponts parce que deux opposants ne font qu'un. Ne me raconte pas que depuis le début, t'as pas compris que tu te bats contre toi. De deux côtés comme chien et chat qui se battent pour faire la loi et obtenir le contrepoids. C'est le mal qui se décuple. J'ai trouvé quelques réponses, beaucoup d'explications. Des fois je suis très sombre, des fois c'est l'excitation, lévitation, respiration dans les nuages. Et mon inspiration ne vient pas de mirages. J'aimerais créer des miracles, mais je ne sais faire que du rap. Au lieu de pas savoir ce que je fais ce que je sais. Pendant qu'une bière m'hydrate, y'a que pour me placer dans les temps que j'arrive à bien prendre le virage. Point d'interrogation, joint, apéro glaçant, encore un. De trop passant de façon, c'est pas ça qui mettra fin à ma vocation. Point d'interrogation, joint, apéro glaçant, encore un. Point d'interrogation, yeah. Yeah. Appelle ça du rap, de l'expression libre, de la musique, des moments de partage, beaucoup de moments de solitude, des nuits entières passées derrière le micro, juste après l'écriture. C'est une toile avec des taches, des tags, des couleurs. Des détails, faites souvent dans des moments accompagnés d'une bonne oreille et d'un rouleur de pétard. Y'a pas vraiment de but en soi, ça coûte de l'argent, ça me prend trop de temps, mais rien à faire. Pourquoi? Est-ce qu'au fond ça serait pas la seule et simple signification du point d'interrogation? J'sais pas, ça serait peut-être trop simple sinon, tu vois. Je crois que c'est l'heure pour moi de dire ciao maintenant. On se voit très bientôt. Et là, les salauds m'attendent, je dois filer. Portez-vous bien. Peace.